Bonjour, monsieur, dame. Je m'appelle Aboubacar Ndiaye, que je suis sénégalais. Voilà, vous m'entendez bien? Voilà, donc je suis sénégalais et j'ai été invité par un ami donc qui connaît une coalition qui est au Sénégal qui lutte contre la signature des APE. Et pour venir pour vous exposer nos opinions sur ce traité qui va être, on va dire, signé entre l'Union européenne et les États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, en fait, ce qui se passe, je vais faire mon exposé en 5 points. Donc, sur le premier point, je vais vous parler de la consistance donc des APE entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Deuxième point, je vais vous parler des pertes en fait qui sont estimées donc si les États de l'Afrique de l'Ouest signent les APE avec l'Union européenne. Donc, c'est des études qui ont été faites par des économistes africains et d'autres aussi des économistes européens. Sur la troisième point, je vais vous parler de la coalition donc nationale aux APE. La coalition nationale non aux APE est en fait une coalition d'associations qui s'est formée pour essayer de freiner, d'arrêter, de dire à traiter donc Union européenne, Afrique de l'Ouest. Donc, au quatrième point, je vais vous parler des difficultés rencontrées en Afrique pour mener cette lutte. Et en dernier lieu, je vais vous parler des alternatives donc proposées par des économistes, des hommes politiques, des citoyens, des syndicats et tout. Voilà, donc pour reprendre depuis le début, donc la consistance des APE, en fait, c'est parti des accords de l'Union européenne et entre l'Union européenne et les États de l'Afrique de l'Ouest, donc dans les années 90, donc suite, je ne vais pas vous parler depuis la colonisation parce que ça va être trop long, parce qu'il y a eu plein d'accords, de traités qui ont été signés, mais à partir en tout cas de Cotonou, les 16 États de l'Afrique de l'Ouest, donc qui sont regroupés dans ce qu'on appelle CDAO, donc Communauté d'État d'Afrique de l'Ouest, donc ont signé un traité avec l'Union européenne, donc qui leur permettait en fait de faire des échanges non réciproques, c'est-à-dire que les Africains pouvaient en fait exporter des produits vers l'Europe sans payer et sans payer en fait. Par contre, les États de l'Union européenne, quand ils importaient en Afrique, payer mais à des tarifs on va dire conventionnés quoi. Donc ce qui s'est passé en fait c'est que en résumé hein, ces échanges en fait proposent de supprimer donc en fait les droits de douane entre les États de l'Afrique de l'Ouest et les États de l'Union européenne de façon à donc de façon à ce que quand les pays africains exportent leurs produits dans l'Union européenne, dans les pays de l'Union européenne, ils ne vont plus payer de droits de douane. Et les pays de l'Union européenne, quand ils exportent aussi en Afrique, ne paieront pas de droits de douane. Seulement, en fait, donc c'est il n'y a pas de différence pour l'Afrique parce que ça avait déjà commencé. Donc là, la partie que ça va en fait que ça va avantager, c'est plutôt l'Union européenne. Donc, parce que bon, de toute façon, ils avaient signé ce qu'on appelle des systèmes de préférence généralisée, où les pays africains, en fait, qui importaient beaucoup de produits comme le cacao, le banane, tout ce qui est donc produits de consommation, en fait, donc qui les importent, en fait, quand ils les importent dans les pays comme la France, l'Allemagne, tout ça, ils payaient pas de droits de douane. Donc, on les allégeait ça pour que ça puisse rentrer et être distribué. Seulement là, ça va être. L'Europe non plus ne va pas payer, l'Afrique aussi ne va pas payer. Et suite à cela, donc, des études ont été faites, des études ont été demandées par l'Union européenne donc, à à des économistes pour qu'ils en fait voient qu'est-ce que ça va poser comme scénario et tout ça. Mais avant cela, en fait, donc je vais vous dire que bon, en résumé, ces échanges proposent supprimer les droits de douane entre l'Union européenne et l'Afrique. Donc, dans un premier temps, vers les années 2000, quand ça avait commencé, les États d'Afrique de l'Ouest avaient dit non, parce que ce serait trop risqué, parce que si on les signe, ça va être certainement notre mort subite. Donc, ils ont commencé à contester. Donc, ils ont dit, bon, on va attendre, mais ils ont introduit une sorte de demande de dérogation à l'ONU pour pouvoir les entamer dès 2008, en tout cas, pour une partie du traité. Donc, ce qui s'est passé, en fait, donc, ils ont proposé donc, par la suite une compensation aux pays africains. Donc, qui dit compensation dit que, en fait, il y a effectivement une perte donc, qui va se passer. Donc, ils leur ont proposé donc, pour essayer de on va dire, d'amortir ou d'alléger ces pertes qui vont aller. Donc, une enveloppe de 6,5 milliards d'euros, mais à partager avec 16 pays africains. Donc, chaque pays, selon le, on va dire, le volume d'exportation qu'il va faire dans l'Union européenne, va bénéficier de ces 6,5 millions d'euros, d'une partie de ces 6,5 millions d'euros. Et voilà, donc c'est ça qui a été proposé récemment. Et donc, ils ont dit aussi que l'ouverture ne va pas être tout de suite à 100%, mais progressivement. C'est-à-dire que ils ne vont pas ouvrir tous les produits européens qui vont rentrer en Afrique, mais ils vont commencer 5%, mais sur une période de 20 ans, ils doivent arriver à 80% d'ouverture de produits qui vont venir de l'Europe et entrer en Afrique sans payer aucun taxe. Donc ce qui veut dire que bon, après il y aura des répercussions, on va dire, économiques très dangereuses, très risquées. Et c'est pour ça qu'en fait, donc, il y a eu des contestations venant de la société civile et tout pour dire que, bon, attention, nous, on ne peut pas signer ça parce que c'est trop risqué, ça va nous appauvrir. Et donc, actuellement, en train de discuter toujours pour voir comment signer, mettre en place le système. Maintenant, ce qui se passe là actuellement, c'est que je vais vous passer à la deuxième page. Donc, les pertes économiques qui ont été en fait estimées, donc, sont basées en fait des économistes se sont basés sur des études, donc sur plusieurs bases de données, donc européennes et africaine. Donc pour faire les calculs, pour essayer en fait d'estimer combien ça représente comme droits de douane que vont perdre les pays de l'Afrique de l'Ouest pour le remplacer avec cette somme qu'on appelle le programme d'appui pour les APE. Donc c'est PAPED. Donc les 6,5 millions d'euros vont permettre de faire ça. Donc seulement là, actuellement, depuis, ils ont estimé, donc parce qu'en Afrique, en fait, il y a des pays qui sont, on va dire, un peu plus développés, d'autres pays dits moins développés. Maintenant, l'Union européenne a trouvé des termes, donc des termes pour les appeler ainsi, donc des PED pour dire pays en développement et PMA pour dire pays moins avancés. Donc les PED, donc il y en a trois en Afrique, c'est Nigeria, Côte d'Ivoire et Ghana. Donc c'est des pays qui produisent beaucoup d'aliments agricoles, qui ont un peu de pétrole, qui ont beaucoup de ressources, quoi. Et les autres pays, c'est les pays les moins avancés, c'est les 14 autres, donc qui sont pas tous très développés, quoi, on va dire économiquement. Et ce qui se passe en fait, c'est que actuellement les trois pays qu'on appelle les pays PED bénéficient environ donc de droits de douane, donc en fait annulés. Donc quand ils amènent leurs produits dans l'Union européenne, ils ne payent pas l'équivalent de 188 millions d'euros. C'est-à-dire que Actuellement, ils sont, on leur a pardonné donc le fait de ne pas payer tous leurs produits, et l'équivalent, c'est 58 millions d'euros. Et sur ces 188 millions d'euros, la Côte d'Ivoire bénéficie de 60% donc de ces préférences, en fait, parce que c'est ce qu'on appelle le système de préférence généralisée. Donc 60% pour la Côte d'Ivoire, Ghana 35% et Nigeria 4,5 à 5%. Donc c'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire bénéficie de la majorité de de ce système pour l'instant, parce que c'est le pays qui importe le plus de produits, on va dire, agricoles au niveau de l'Union européenne. Donc, signer par exemple les APE va peut-être les arranger sur ce point, mais on va revenir à la fin pour dire que c'est pas vraiment au peuple ivoirien que ça va être bénéfique, mais pour d'autres parties. Donc, ce qui se passe là actuellement, en fait, c'est que quand ils ont proposé ça, donc on a dit que donc les pertes qui ont été estimées, donc c'était donc en fait, tout ce qui est droit de douane, en fait, donc et ce qui représente entre 32%, entre 32 et 70%, en fait, au niveau des pays africains. C'est-à-dire que les budgets des États de l'Afrique de l'Ouest, donc quand on met tout ce qui est droit de douane, là, c'est entre 32 et 70%. Donc, quand on les élimine quand un pays a 70% de droits de douane, et du jour au lendemain, on lui dit, viens signer ce traité, et bon, tu vas plus payer de droits de douane, nous aussi, on va plus payer de droits de douane. Il faut que ce pays aussi ait des intérêts, en fait, en ça. Parce que si le pays n'exportait rien vers l'Union européenne, bah, il est mort, quoi. Donc, parce que, voilà. Donc, c'est ça qui pose problème. Et maintenant, les intérêts sont un peu plus ou moins déséquilibrés d'un pays à l'autre. Il y a des pays qui pourraient en bénéficier beaucoup, mais il y a d'autres pays qui, bon, voilà, ils produisent rien, donc ça va rien leur servir. Ils vont juste les envahir avec des produits venant de l'Union européenne, et voilà, et pour que, en fait, qu'ils soient que des consommateurs, quoi. Donc, ils ne produisent rien, et voilà. Donc, là aussi, les économistes ont considéré qu'il y aurait des détournements des échanges en faveur de l'Union européenne. Car les autres pays qui vont exporter vers l'Afrique vont continuer à payer. Donc, c'est clair que les produits qui rentrent sans taxes vont être moins chers, donc vont être plus accessibles aux populations, donc vont être beaucoup plus achetés, et la demande va être beaucoup plus importante pour cette partie-là, ce qui fait que l'Union européenne va de toute façon être plus. Les produits qui vont à l'Union européenne vont être beaucoup plus. Moins cher pour les populations, et ils vont sauter dessus, quoi. Donc, ce qui fait que c'est un peu très vicieux, quoi. Donc, les importations, en fait, en Afrique de l'Ouest vont être bien supérieures pour cause de forte, en fait, évolution de la population. Parce que ce qu'on considère, en fait, actuellement, c'est que si on regarde la démographie, l'évolution démographique en Afrique, on sait que d'ici, bon, tout le monde le dit, hein, d'ici 2050, 2035, les populations vont augmenter d'un tiers ou de 50% pour certains pays. Et ce qui fait que donc ces pays-là auront toujours plus besoin de consommer voilà, qu'autre chose, quoi. Donc, le danger, en fait, c'est que si ces pays-là n'apprennent pas à fabriquer ce dont ils doivent vivre, c'est très dangereux, parce qu'ils vont devoir tout acheter. Ils vont devoir tout acheter. Donc, si on ne taxe pas du tout les pays qui vont arriver de l'Union européenne pour rentrer en Afrique, le problème, c'est que, bon, voilà, donc la population augmente, toujours besoin, et comme le système aura déjà été enclenché, donc, ça va être difficile de revenir en arrière si, par exemple, la population n'est pas formée à produire, à faire de l'agriculture, par exemple, à, je sais pas, à créer. Donc tout ça va constituer un réel problème, quoi. Donc c'est pour ça, donc par rapport à la démographie aussi, ça peut encore être beaucoup plus avantageux pour l'Union européenne d'ici quelques années en signant ces AP. L'autre point aussi, c'est en fait bon, la réduction des recettes budgétaires de type TVA. Parce que, en fait, comme on ne taxe plus les pays, c'est comme si on prenait l'Afrique, on le collait tout de suite à l'Europe, quoi. C'est-à-dire que, bon, voilà, les produits arrivent, allez acheter, vous agent, je pars. Donc, vous achetez, vous consommez, où est-ce que vous allez prendre l'argent pour acheter? Bah, je m'en fous. C'est un peu ça, quoi. C'est pour un peu caricaturer. Mais c'est ce qui fait que donc les TVA vont être beaucoup moins importants parce que ceux qui vont importer vont venir juste vendre et puis c'est tout, quoi. Donc c'est vraiment très très risqué de signer les APE entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est pour estimer un peu les pertes qui peuvent être générées si donc droits de douane, TVA. Donc, une augmentation des importations, parce que si les importations augmentent de trop, en fait, la balance, donc ce qu'on dit balance commerciale de l'Afrique risque d'être dentaire d'ici quelques années, quoi. Donc là, maintenant, bon, je vais vous parler de la coalition non aux APE. Donc en fait, c'est une union d'associations. Donc d'associations citoyennes de la société civile, donc qui se sont réunis pour essayer. Mais je dis essayer pour faire modeste. Mais ce que nous pensons, c'est que on va avec ces associations freiner les accords donc de partenariat économique entre l'Union Afrique, entre l'Union européenne et les États de la CEDEAO. Pourquoi? Parce que on pense que c'est toujours possible de les freiner. Parce que ce qui s'est passé en fait quand ils ont proposé les accords, c'est que deux pays ont refusé. Mais bon, ces deux pays, sur 16 pays, on peut dire que ah, non, là c'est mort. Si c'est la démocratie, c'est mort. Hein. Parce que, y a 2 sur 16, c'est mort. Donc tout le monde signe. Mais sauf que il y a un des pays, donc des deux qui ont refusé, donc il fait 51,6% de la population de l'Afrique de l'Ouest. Donc et qui a aussi son PIB représente, on va dire, 70% de tout le PIB de l'Afrique de l'Ouest. Donc ce qui veut dire que ce pays-là est important, ça pèse lourd en Afrique. Justement, on va venir dessus. Voilà, c'est le Nigeria. Donc le Nigeria et la Gambie ont dit non. Nous n'avons pas signé parce que... Allô? Oui. Nous n'avons pas signé parce que bon, ils ont appelé leurs économistes, ils leur ont dit, allez, faites des études, faites des scénarios, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on va gagner dessus. Et ils ont remarqué qu'ils allaient pratiquement rien, ils n'ont rien à gagner sinon qu'à y perdre, quoi. Rien du tout. Donc ils ont dit non. Sauf que pour les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, qui vivent en fait des subventions, qui vivent des prêts, des emprunts de la Banque mondiale, de la FMI, tout ça, donc ils sont coincés. Parce que s'ils disent non, du jour au lendemain, c'est les taux d'intérêt peuvent être remontés, supposons, pour leur dire que attention, si vous ne faites pas, nous on a des institutions comme la Banque mondiale, voilà, ou bien on fera plus telle subvention. Donc il y a des banques qui sont créées, banques africaines de développement, qui sont, on va dire, qui sont financées par l'Union européenne. Donc si vous ne le faites pas, nous on va arrêter ça. Donc attention, regardez bien ce que vous allez faire. Du coup, c'est comme une forme de chantage, quoi. Voilà. Donc en plus système de préférence générale, parce que on en a parlé tout à l'heure, c'est le système qui permet aux pays en développement de faire des exportations européennes sans payer de droits de douane. Donc ça, plus les financements, le fonds européen de développement, tout ça. Donc on leur dit que si vous signez pas, nous on arrête. on arrête de vous. Voilà. Sauf que les pays africains, bon, il y en a qui sont tellement endettés de, que, bon, ils savent pas. Imaginons qu'ils disent, voilà, si on ne signe pas, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais manger? Est-ce que j'ai continué à, voilà, à faire vivre mon peuple? Donc, si vraiment ils ne sont pas courageux, personne ne va rien faire, quoi. Sauf que les peuples, eux, bon, ils n'ont aucune pression. Heureusement qu'ils ont eu accès à ces informations, parce que je pense que 10 ou 15 ans plus tôt, ou dans le passé, si c'était le cas, ça serait passé sans qu'on sache qu'il y a eu ces accords. Voilà. Maintenant, bon, avec les réseaux sociaux, les journaux, la communication, tout ça, donc les gens commencent à s'intéresser à ce que font leurs gouvernements. Donc, ils sont au courant que ça va être signé et c'est ça les conditions. Donc, ce qui fait que là, actuellement, ils disent, bon, non, on ne veut pas que nos États signent ces accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Maintenant, ce qui se passe, en fait, c'est que comme le Nigeria... Donc, pèse lourd en Afrique. S'il ne signe pas, c'est comme si ça servait à rien, quoi. Ça servait à rien parce que les autres pays sont moins importants en population et en PIB. Et voilà, donc ça va rien apporter à l'Union européenne. Donc, et la Côte d'Ivoire est depuis, je pense, 2014, la première économie africaine devant l'Afrique du Sud qui l'était depuis beaucoup de temps. Et donc, ce qui fait que si le Nigeria ne signe pas, ça ne va jamais passer. Donc, au lieu que les 14 autres pays africains se rangent comme le Nigeria, donc ils ne peuvent pas, parce que bon, voilà, il y a des lobbies, des pressions politiques, tout ça qui fait que ils sont sortis du jour au lendemain pour dire aux populations que nous allons signer les APE et puis c'est tout. Donc, voilà. Donc, cette coalition. Non aux APE, c'est bon. Ouais, cette coalition nationale non aux APE a fait quelques manifestations, des manifestations bon, qui finissent toujours par des arrestations hein, au Sénégal. C'est actuellement depuis que le président Macky Sall est au pouvoir, ça se passe comme ça. Donc les manifestations sont systématiquement interdites. Les préfets vous opposent, ouais, pour y a des risques de terrorisme, donc on peut pas vous laisser sortir, manifester. Et si vous sortez, bon, on vous arrête. Et puis voilà, on vous arrête. Les gens continuent à crier, on vous relâche. Vous faites encore une demande de manifestation, c'est interdit. Donc c'est tout le temps comme ça avec le président Macky Sall. Mais les populations n'ont pas encore abandonné. Donc ils continuent de dénoncer les accords, de dénoncer... l'aberration, d'aller sensibiliser les populations dans les différentes régions, donc au niveau de la CEDEAO. Donc ils s'activent, quoi. Donc par exemple, hier, il y a eu une manifestation de la coalition nationale non aux APE au Sénégal. Vers 14h, il y a eu deux arrestations, donc des camarades qui ont été arrêtés pour juste être sortis à la place de l'indépendance. Non pas, ils ont rien fait. Hein, en fait, dès qu'ils voient qu'il y a une manifestation, ils envoient les policiers, les attendent. Dès qu'ils arrivent, ils en prennent. Allez, ils l'amènent au commissariat. Donc, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et là, actuellement, en fait, comme action, il y a une pétition qui a été mise en ligne sur le site Avaz. Donc, comme on sait maintenant que l'État sénégalais a l'intention de signer les APE, donc même étape va être la ratification, c'est-à-dire que les assemblées vont voter pour dire oui, le peuple aussi est d'accord. Sauf que le peuple vraiment n'est pas d'accord, quoi, parce que il n'y a pas eu débat, il n'y a rien eu. Le peuple, le président, dès qu'il est monté, donc, parce que le précédent président, donc Abdoulaye Wade, avait dit non. Donc lui, refus catégorique, c'était un économiste. Il comprenait les risques qui allaient être qui peuvent peser sur les populations africaines. Donc il a dit non. Donc, c'est... Par contre, ce qu'il avait proposé comme alternative, c'est par exemple donc, l'argent que les États de la CEDEAO ont, par exemple, en Banque de France. 5 minutes, oui. D'accord. Que cet argent-là soit reversé en fait aux populations pour qu'ils puissent, on va dire, se développer et essayer de faire d'autres alternatives plutôt que de signer les APE. Donc une pétition donc a été signée. Cette pétition invite en fait les députés de l'Assemblée nationale du Sénégal de refuser de ratifier les APE que compte signer l'État sénégalais suite à l'annonce du gouvernement sénégalais. En fait. Donc la coalition nationale en fait dénonce des accords opaques qui vont en fait entraîner la fermeture des PME et des PMI et conduire à la faillite de l'économie ouest-africaine. Donc elle dénonce aussi l'opacité des APE donc pour l'avenir des pays de la CEDEAO. Ces accords auront des conséquences drastiques pour l'économie et cela va engendrer la pauvreté encore plus. Cela aussi va engendrer que les populations du sud, donc de l'Afrique, essayent de sortir de cette pauvreté pour remonter. Donc, actuellement, ce qu'on voit en Méditerranée, comme la semaine dernière où il y avait 700 morts par noyade, donc ça va encore se voir beaucoup plus si on signe les APE. Donc les risques liés à la signature des APE sont confirmés en fait par plusieurs analystes économiques africains et même des économistes européens qui ont été chargés de plusieurs études de scénarios économiques ont conclu dans un rapport destiné à l'Union européenne qui leur avait chargé cette étude. En fait, seulement ces études ne sont plus visibles sur Internet parce qu'avant ils les avaient publiées, mais un mois après, quand ils ont su que les gens commencer à reprendre les études pour alarmer ou pour révoquer, ils se sont dit attention, là c'est dangereux, ils ont tout retiré, sauf que bon, il y en avait qui avaient gardé des copies. Et sur cette étude donc, on peut donc fait par des économistes européens, on peut voir en fait une conclusion. Donc je vais vous lire la conclusion. En fait, les APE soulèvent un fort besoin d'un ajustement fiscal. Les recettes douanières représentent une importante part de revenus pour les pays de la CEDEAO, donc le pays de l'Afrique de l'Ouest. Les APE impliquent toutefois une réduction significative des droits de douane dès lors que l'Union européenne est un important et significatif partenaire commercial dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Pour maintenir les dépenses publiques et la provision des produits de première nécessité constantes, les gouvernements de la CEDEAO devront trouver une source alternative de revenus publics. Donc ça, c'est les économistes qui ont été chargés par l'Union européenne de faire des études qui concluent ça. Donc pour maintenir les dépenses publiques et la provision des produits de première nécessité constante, les gouvernements de la CEDEAO devront trouver une source alternative de revenus publics en signant les APE. Donc, en conclusion, les bénéfices des APE entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique de l'Ouest s'apparentent minuscules, sinon négatifs. Donc, c'est minuscule. Et sinon négatif pour les pays africains. Quoi. Les pays de l'Afrique de l'Ouest doivent trouver une source de croissance à partir d'autres accords d'échange, que ce soit multilatéraux ou régionaux. Ça, c'est des propositions d'économistes. Donc, ce n'est pas les décideurs. Hein. Donc, mais les économistes européennes donc, qui ont suggéré ça aux députés de l'Union européenne. Quoi. Donc, c'est... Exactement. Donc, c'est la conclusion en fait, de la dernière étude. Donc, c'était en janvier 2016, demandée par l'Union européenne à des économistes. Voilà, et qui découle de plusieurs études faites entre 2000, 2008 et 2012. Donc, je ne sais pas s'il me reste encore. Voilà. Donc, après, pour les deux autres points, on va essayer de rentrer dessus. Alors, désolé pour ces déplacements incessants. Du coup, on va passer au débat. Si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce que nous a présenté Abdou, comme ça, pour poursuivre l'intervention. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question par rapport à ce qui a été dit? Oui. Alors, merci Abdou, c'était super. Abou. Pardon. Abou. C'était très clair. Je trouve que c'est quelque chose que j'avais pas du tout mis en avant dans ma conférence, mais c'est vraiment ça. Il y a un effet de tenaille, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une main qui donne les financements et qui impose qu'on signe un accord défavorable. Et c'est quand même complètement aberrant parce que les entreprises africaines n'ont aucune chance. C'est-à-dire que si les règles sont les mêmes entre les entreprises africaines et européennes en Afrique, elles n'ont aucune chance. Les subventions qu'il y a eu en Europe pour les entreprises sont tellement gigantesques depuis des décennies que c'est des blocs qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est... c'était vraiment bien. Il y avait plein de choses. La démographie aussi. En fait, l'Europe essaye simplement de compenser les pertes du TAFTA en s'enfonçant sur un nouveau marché, quoi. C'est le marché numéro un, c'est l'Afrique. Et là, on vous oblige à signer un accord. Et je voulais savoir juste quelle est la position des autres États africains. Est-ce qu'il y a, en dehors de la CEDEAO, c'est-à-dire sur les pays peut-être du Maghreb, de l'Afrique de l'Est et du Sud, est-ce qu'il y a soit une mobilisation aussi qui se répand? Et sinon, quel est l'avis des gouvernants de ces pays sur les APE? Est-ce qu'ils mettent des pressions pour que ce soit signé? Est-ce qu'ils y ont vraiment pas intérêt? Est-ce qu'ils négocient des traités en parallèle? Oui. En fait, par rapport à ce point, bah oui, je confirme. Hein, c'est une sorte de ramification des marchés européens, quoi, pour agrandir leur marché. Et or. À part les pays donc de la CEDEAO, donc j'ai constaté qu'il y avait juste deux pays en fait, c'est le président de Zimbabwe, donc Robert Mugabe, et le président, on va dire, pas le président, les autorités de l'Afrique du Sud, qui quelquefois émettent des critiques envers les pays de la CEDEAO pour leur dire qu'il faut sortir de ces... de ces rapports, parce que c'est pas du tout gagnant-gagnant, quoi. On subit tout, quoi. Mais à part ces pays-là, donc la partie Maghreb, partie Afrique centrale, y a rien, quoi. C'est comme si ça les concernait pas. Ouais, donc ils s'en foutent un peu, quoi. C'est un peu ça, quoi. Y a pas vraiment une solidarité, on va dire, africaine, entre pays africains, parce que, bon. Déjà, il y a des réalités, donc c'est qu'ils ne communiquent pas. Donc, l'Union africaine, il n'y a que l'Union africaine qui rassemble à peu près tous les pays africains, mais pas tous, parce que les Maghrebs font pas partie de l'Union africaine. Donc, ce qui fait que c'est toujours les mêmes qui ont une emprise, en fait, dans leurs anciennes colonies. Donc, c'est la France, par exemple, avait plein de colonies, et toutes ces colonies-là, la majeure partie de ces colonies se retrouvent en fait dans la CEDEAO, et qui les contrôle de loin avec, par exemple, le système CFA. Le système CFA qui ne nous arrange pas du tout, c'est-à-dire que la moitié de nos devises, les devises du CFA, sont annuellement versées à la Banque de France pour garantir la monnaie. Vous voyez, donc. Tout ce qu'on fait comme recette au niveau de chaque pays de l'Afrique, donc on le divise par deux et on le verse à la Banque de France pour juste garantir le CFA. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous affaiblit, qui les États africains, qui font qu'ils sont, sont tenus en otage, quoi. Et quand on parle de... Ouais, parce qu'il y a plusieurs économistes qui disent que tant que l'Afrique ne sort pas du système CFA, donc c'est pas vraiment toute l'Afrique, hein, c'est l'Afrique... l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, ils ne pourront pas avancer économiquement. Et ces APE aussi, bon, le justifient un peu, quoi, parce que des fois, il y en a qui le disent, mais ils ne savent pas ce qui va arriver. Si, par exemple, un pays comme, Mali ou Sénégal disent « Ouais, on va en sortir », ils ne savent pas ce qui va passer. Ils n'essaient pas d'aller de l'avant, essayer de créer cette monnaie, d'aller... Ils osent pas. Donc, ce qui fait que le problème, c'est que c'est les populations qui crient, mais les chefs d'État, ils sont tous dociles au système qu'on impose à leur peuple. Et voilà, pour l'instant, on n'y peut rien. On essaie de sensibiliser les populations. Peut-être les générations futures vont essayer de résister, de, d'essayer de proposer autre chose, mais pas de, de dire d'accord sur tout ce qu'on propose, quoi, sans réfléchir, sans rien faire, quoi. Voilà. Il y a un monsieur qui... Pardon, merci. J'ai juste envie d'intervenir parce que la situation de la CEDEAO et de l'Afrique en général, des anciennes colonies, ça me fait penser un peu à l'Allemagne tributaire justement du traité de Versailles après la Première Guerre mondiale. L'Allemagne qui a fini de payer ses dettes pour la Première Guerre mondiale, qui a fini de payer ses réparations pour la Première Guerre mondiale en 2008, tout récemment. Et c'est un pays de l'Union, du vieux continent, qui a été mis au pilori. Bon. Et par contre, l'Afrique, en général, c'est des anciennes colonies. Aujourd'hui, on leur impose un choix, c'est leur dire... Aujourd'hui, vous avez le choix de vous endetter dans une économie dans laquelle vous n'avez pas souhaité participer, ou alors c'est une économie mondiale à laquelle, à la base, vous n'étiez pas affilié. Et il n'y a pas. Et les dirigeants, tout à l'heure, tu disais justement, voilà, c'est l'héritage justement des colonies et tout ça. C'est. Il n'y a pas. C'est, vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes, enfin, vous êtes, quand je dis vous êtes, c'est aussi bien l'Afrique de l'Ouest, de Centrale, ou même le Maghreb, qui est enclavé, enfin, qui est pris au piège, justement, du passé, et la vieille Europe est en train d'imposer, justement, ses directives, en disant, bon, bah, vous devez vous insérer dans un système qui va faire en sorte que vous serez tributaire du passé et ainsi de suite, et ça vous laisse pas l'opportunité, vous, de vous émanciper de ce passé là justement, en disant on va aller de l'avant et compagnie, parce que les dirigeants en général ils pensent qu'à leur gueule, on va dire, en gros, pour faire simple, et tout ça pour dire non, je déconne, non, je voulais dire une bêtise, mais c'est assez sérieux. Voilà, c'est il y a une conscience qui existe. C'est dommage parce que l'Afrique a des ressources, a les moyens de subvenir à ses besoins, mais aujourd'hui elle est pas indépendante. Elle fait partie d'un système économique mondial, voilà, qui est installé, qui est intégré, et dans lequel on peut se dire aujourd'hui, on a des conférences comme ça qui se disent. Bon, on peut essayer de faire en sorte que changer les choses, mais au final, est-ce que l'émancipation, personnellement, enfin, de ce que tu connais, tu penses qu'elle peut exister, elle peut arriver comme un véritable printemps, pas un printemps qu'on nous a vendu il y a quelques années pour les printemps arabes, mais un véritable printemps ou un véritable changement. Est-ce que tu penses qu'il puisse y avoir une prise de conscience? Juste petit point technique, on va essayer d'éviter d'être un petit peu trop long dans les interventions. Ah non, pas de souci. C'est pas pour toi spécialement, juste comme ça. Ouais. Donc, c'est très intéressant la question. Oui, moi je pense que c'est possible. C'est possible dans les deux sens. Que ça se passe de façon, on va dire, un peu difficile. C'est-à-dire que, bon, comme les manifestations qui se tiennent ici, hein, ça c'est les choses qui peuvent, à mon avis, hein, c'est personnel, qui peuvent le plus déstabiliser les États, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne contrôlent plus rien, personne n'est d'accord avec eux, et ça peut éveiller d'autres gens en fait qui ne comprennent pas que en fait ils sont en train de vivre une sorte d'injustice normalisée, on va dire. Bah, donc c'est moi je pense que c'est possible, ça va se faire peut-être avec violence, mais c'est possible parce que la violence, pour moi c'est pas un mal, c'est un principe, parce que ce que les Africains, quand ils sortent pour se manifester, ce qu'on leur fait, c'est de la violence, mais on dit que c'est une violence légale ou je sais pas légalisée, donc c'est juste une question de principe. C'est-à-dire que si toutes les populations africaines sortaient d'un coup, on va dire 80% sortaient pour dire que non, on n'est plus d'accord, ça va forcément changer. Sauf que les, on va dire les, les 80% ne savent pas que s'ils font ça, ça peut changer. Et ils sont occupés à tout. Pour moi, c'est mon avis personnel là, que je suis en train de vous dire. C'est, ils sont occupés à toujours chercher à s'en sortir, à travailler dans leur coin. Maintenant, si cet esprit de participation, on va dire, démocratique, en matière de décision politique, tout ça, si tout le monde a cet esprit, ça peut changer. Voilà, ça peut changer parce que les gens vivent des décisions prises par une poignée de personnes qui se réveillent, qui ne vivent pas leur réalité à eux. Ils se réveillent, ils disent que bon, maintenant ça va se passer comme ça, et puis c'est tout, ça va se passer comme ça. Pourquoi ? Parce que bon, juste parce qu'on les a élus, mais on les a élus pas pour dire ce qu'ils veulent, quoi. On vous a élus pour l'intérêt de nous tous, y compris vous les élus, y compris nous, vos électeurs. Et ça, c'est pas encore une idée vraiment très développée en Afrique, parce que bon, en matière d'éducation, on va dire que bon, voilà, c'est des analphabètes. C'est pas que c'est des analphabètes. Ils sont pas intéressés à ce système qu'on leur a proposé, ou bien la transmission de ce système n'a pas été faite de façon à ce que la personne qu'on le propose sache que ses droits dans ce système, c'est ça, et que s'il essaie de les défendre, il peut avoir ce qu'il veut. Mais pour l'instant, c'est très difficile parce que tout le monde n'a pas ce même état d'esprit, quoi. En fait, je sais pas si je pense que tu es. Non, bah moi justement c'est par rapport aux solutions un peu en fait de mettre en avant l'autonomie des peuples africains, et ça passe en premier lieu par l'agriculture, en fait c'est ça le principal sujet, et que les productions africaines réussissent à rester en Afrique. Et je voulais juste parler du coup d'une asso Enda Tiers-Monde dont on parlait tout à l'heure qui accompagne des programmes d'agriculture africaine locale et de développement local, et je sais pas si tu en connais d'autres sûrement, mais c'est voilà des associations comme ça qui peuvent apporter une différence, je pense. Et juste pour ajouter un petit point aussi sur la solidarité qu'il peut y avoir entre les continents, les principaux bénéficiaires en général de ces échanges inégaux et de ces accords sont des entreprises occidentales, donc nous aussi on a notre rôle à jouer de notre côté, c'est-à-dire qu'on arrive à faire tomber Areva par exemple, c'est le Niger entier qui respire, parce qu'Areva a juste une chape de plomb sur le Niger, exploite son uranium et permet à toute la France de vivre avec une électricité pas chère, tout simplement avec une structure coloniale en fait. Donc pour ajouter à ce que disait Massiri sur on est d'accord que l'agriculture est la principale force et chose à défendre, mais il y a aussi de notre côté voilà des groupes agricoles, Monsanto entre autres, mais qu'on peut aussi déstabiliser pour renforcer la lutte du côté africain. Oui, en fait, bon, c'est pareil, hein, c'est depuis que l'homme est homme, on ne vit pas d'uranium, on vit que de l'agriculture. Donc il y a tout pour vivre en tout cas, parce que quand tu regardes l'occupation des terres africaines, là, c'est même pas 10%. Les parties habitées, c'est très peu. Donc, il y a assez d'espace pour faire de l'agriculture. Sauf que le problème, c'est que le système actuel veut mondialiser, veut imposer sa façon de... une sorte d'hégémonie, sa façon de penser la vie, donc qui fait que... tout doit être industrialisé. Pourquoi ? C'est pas obligé. Maintenant, c'est ça qui fait que, pour moi, c'est ça qui fait que les Africains, par exemple, ils vont jamais prendre leur propre initiative. Ils vont juste dire bon, on va attendre un investisseur étranger va venir, il va nous proposer de faire des pastèques ici. Comme ça, on va travailler pour lui. Non, ça doit pas se passer comme ça. Et nos États, en fait, les y aident, c'est-à-dire que les terres qui appartiennent à l'État, on va dire, entre guillemets à l'État, mais ça appartient aux populations. Les populations ont difficilement accès à ces terres. Donc, de ce fait, par exemple, quand ça coûte cher à cause des systèmes de... Ouais, pardon. Donc, à cause de tous les paramètres économiques dont on ne comprend rien, ils te disent, ouais, tu te réveilles un beau matin, on te dit, bon, le mètre carré ici, ça coûte 1 million, et ça n'a aucune raison. C'est-à-dire, voilà, c'est que tout est systémisé de façon à ce que le citoyen lambda n'arrive pas, ne peut pas accéder à certains éléments qui puissent lui permettre de vivre indépendamment ou pas totalement, parce qu'on ne peut pas vivre tout seul de son côté quand on vit dans un environnement, mais en tout cas qui puisse lui assurer, lui garantir ce dont il peut espérer pour vivre, quoi. Donc c'est ce qui fait que, bon, il a raison, c'est l'agriculture, mais les politiques chez nous, c'est pas l'agriculture, c'est libéralisé. C'est, voilà, un pays qui vient avec des fonds, j'ai beaucoup d'argent, j'arrive chez vous et je sais pas, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Ah oui, je te donne des terres. Voilà, tu donnes les terres des populations pour... ils te donnent un peu d'argent, mais cet argent ne va jamais profiter aux populations. Donc, ils vous donnent, vous, le dirigeant, l'argent. Vous le partagez entre politiciens et il vient, il fait travailler tes propres populations. Venez, allez, vous allez travailler pour moi, j'ai eu payé un salaire. Vous voyez, et les salaires sont contrôlés par celui qui a vendu le terrain. Donc du coup, tu es là pour voilà, si t'as pas la chance de bénéficier d'héritage, on va dire, ou de patrimoine, tout ça, t'as pas de chance, tu peux rien faire. Voilà, c'est un système qui te conditionne en tout. Et essayer de sortir de ce modèle-là, c'est, moi je pense que c'est le défi, hein. En fait, parce que c'est les côtés pervers de la mondialisation. C'est-à-dire que c'est bien, la technologie arrive, tout ça. Oui, tu peux profiter de plein de choses. Oui, on nie pas que, bon, voilà, Facebook, tout ce qui a été créé, qui permet Twitter, les téléphones, tu peux être au village, parler avec tes parents qui sont dans un autre lieu de la terre. Tout ça, c'est bien, mais c'est pas ça qui fait vivre. Vous voyez, donc mondialisation de ce côté-là, c'est bien, mais quand c'est mondialisation de cette façon de voir les choses, de cette façon de qu'ont les entreprises, le système libéral de vivre, moi je pense que ça nous avantage pas, nous Africains. Donc par rapport aux solutions, excuse-moi, après je vous repasse. Par rapport aux solutions, donc c'était le point que je voulais sur lequel je voulais venir tout à l'heure, c'est que il y a des économistes qui sont rencontrés en Afrique pour proposer une alternative aux APE, c'est en fait d'essayer de faire des échanges interafricains. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que le taux d'échange interafricain est très faible. Par rapport, par exemple, en Europe, c'est 72%, en Asie, c'est 52%. Mais en Afrique, c'est 12%. Les pays africains ne s'échangent pas. Ils se vendent rien, pratiquement. Il y a juste, par exemple, le Nigeria qui sort quelques produits, voilà, qui les amène dans les autres pays. Et ça, c'est à cause du système, en fait, hérité du colonialisme, en fait. Vous voyez, par exemple, le CFA, il y a deux zones CFA en Afrique. Et ces deux zones CFA, ils ont le CFA, mais la monnaie, c'est pas pareil. C'est-à-dire que si tu prends de l'argent... Si tu prends des CFA au Sénégal, tu vas au Cameroun, tu peux rien acheter. Tu peux rien acheter. Et pourtant, on appelle franc CFA, c'est la même monnaie. Mais quand tu as, il faut l'échanger en euros, puis le changer encore en francs, on va dire zone Afrique centrale, pour essayer d'acheter quelque chose. Donc, vous voyez, il y a des barrières qui font que. C'est juste des systèmes, mais. Personne ne dit rien, si personne ne dit rien, il se passe rien aussi, quoi. Donc c'est un peu ça le problème. Bonjour, oui, je m'appelle Joël. Je me permets simplement d'intervenir. Je n'ai pas de questions. Brièvement, j'ai connu la décolonisation. J'ai 66 ans. J'ai donc été à l'école au Congo. Je suis allée à l'école en Indochine. Je suis née en Algérie. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que il me semble, bon, vous avez les problèmes économiques que l'on sait, dus au franc CFA, qui est quand on gagne tant en Afrique, c'est doublé en France, par exemple. C'était comme ça à notre époque, dans les années 60. Mais pour moi, je suis venue ici pour une manifestation qui va se produire, qui va se dérouler dans une demi-heure, pour défendre les animaux, l'industrialisation de la vie. Et je pense que le combat général, il est contre le fait que nous sommes aux prises avec une mafia mondialisée qui est en train de détruire toutes les structures, qui crée des souffrances épouvantables, que ce soit en Afrique, qui crée aussi, qui orchestre l'immigration massive que l'on connaît, et que nous sommes tous engagés dans un même combat, qui est lutter contre cette saloperie venue des États-Unis et de je ne sais où. Et je risque que le Nigeria, j'ai pas très bien compris parce que je suis pas économiste, mais que le Nigeria ait refusé de signer cet accord parce que du temps où j'étais enseignante, j'ai fait 40 ans d'enseignement, eh bien il m'est arrivé, et j'ai reçu une fois dans ma boîte de prof, un courrier qui proposait de mettre de l'argent venant du Nigeria, et c'était sans doute de l'argent, je ne sais d'où il venait, mais qui allait être sali, enfin de l'argent sale, qui allait être relavé, blanchi, en Suisse ou je ne sais où, par notre proviseur vraisemblablement. Je répète, je ne connais rien à la finance, à l'économie, mais je peux dire qu'il se passe beaucoup de choses, mais que pour moi, eh bien, c'est le combat contre la mafia internationale. Voilà, je vous remercie de m'avoir laissé la parole. Je voulais juste dire un mot, parce que depuis tout à l'heure on parle de mainmise économique. Je pense que ça aurait été. Enfin, je pense que c'est un peu juste aussi de parler de la mainmise politique, en fait, qui est faite par l'Union, enfin, par tous les pays occidentaux sur, en fait, les dirigeants africains. Pour moi, c'est évident que, en fait, tu peux pas régler le problème économique si on s'attaque pas d'abord au problème politique. Et tout à l'heure, tu parlais du nouveau président sénégalais. Alors, moi, j'étais allé au Sénégal à l'époque où c'était encore Wade au pouvoir, et j'avais souvenir que c'était pas déjà la joie. ce qui s'est passé à la dernière passation de pouvoir en Côte d'Ivoire entre Ouattara et Gbagbo, c'était pas non plus la joie. Enfin, je pense que et tout à l'heure tu disais qu'on avait un rôle à jouer au niveau économique, nous ici. Je pense aussi on a un rôle à jouer au niveau politique pour faire comprendre aux gens que c'est des dirigeants qui sont placés par les Européens et qui maintiennent en gros sous notre coupe les pays africains. Donc je pense que l'accord, ça doit être grosso modo, tu fais un peu ce que tu veux, tu mets ce que tu veux dans ta poche, et puis en échange, tu acceptes nos accords et tu laisses perpétrer cette espèce d'inégalité très importante. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est que tu parlais aussi du fait qu'il faut que les gens prennent conscience et se mobilisent en masse. Je suis complètement d'accord, c'est évident, mais par contre, je pense qu'il y a aussi un problème dans le sens ou culturel, c'est-à-dire que l'État régalien en Afrique, c'est pas un truc qui culturellement était là, je pense, qui est très récent, je pense, comme notion. C'est-à-dire que les interventions de l'État dans la vie de tous les jours d'une majorité de personnes en Afrique est extrêmement faible. Donc, je pense que c'est aussi très difficile de mobiliser des gens pour qui, en fait, cette réalité-là est assez abstraite. Donc après, je pense, j'ai pas trop d'idées parce que qui se mobilisent pour quelque chose qui pour eux n'a pas grand impact sur leur vie de tous les jours, je pense que ça doit être difficile aussi. Donc, et en même temps, je sais pas s'ils veulent vraiment accepter un système où l'État est très interventionniste et du coup joue vraiment une place parce que peut-être qu'ils souhaitent encore rester. Enfin, il y a encore des villages qui fonctionnent de manière assez simple. Et puis, je me demande s'ils veulent pas aussi ne pas se compliquer la vie et pas rentrer dans un mode où justement le progrès, la technologie viendrait se mêler à ça et rester dans une transmission de savoir oral, etc. Donc, je sais pas trop à ce niveau-là quelle est vraiment la position à adopter. Donc là, je vais vous dire, ça c'est mes propres opinions. Hein, oui, donc là je vais vous parler de mes propres opinions. C'est-à-dire que vous avez parfaitement raison. Il y a déjà une emprise économique, politique, on va dire, donc des dirigeants européens sur les dirigeants d'une partie de l'Afrique, parce que c'est pas toute l'Afrique. Par exemple, bon, on peut être plus précis, hein, c'est la France a un passé colonial qui fait que parmi les pays européens, c'est le pays qui connaît le plus l'Afrique. Donc qui connaît les cultures, qui connaît même des fois l'Afrique plus que des Africains. Vous voyez ce que je veux dire? Donc et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème, c'est que c'est bien d'essayer de voir en fait entre eux comment faire pour collaborer encore plus, se connaître encore mieux, savoir ce que veulent les autres, les intérêts en fait qui sont hors du continent sur l'Afrique, et pouvoir les contrôler. Mais tant que les chefs d'État africains continuent en fait sur cette même lancée, cette même réalité, donc espérer tout de l'extérieur, donc essayer de développer en interne, c'est-à-dire que reprendre les, parce que c'est le modèle européen, on est d'accord, c'est quelque chose qui marche, sauf que quand vous regardez par exemple là la France, c'est l'un des pays les plus riches d'Europe, c'est l'une des puissances les plus fortes, et pourtant on voit qu'il y a des problèmes. Et pourquoi il devrait y avoir des problèmes? Les gens, voilà, ici ils vivent bien, ils ont de l'argent, mais il y a des manifestations, les gens se tapent dessus, ils veulent changer la loi de travail, on comprend pas. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, les gens sont bien, c'est en tout cas le citoyen européen est à un niveau de vie beaucoup plus meilleur, et pourtant il a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes, donc ce qui veut dire que c'est le système est bien, mais il y a toujours quelque chose qui fait que ça va pas, ça marche pas encore. Maintenant, prendre ce système, essayer de le travailler au niveau de l'Afrique, mais avec nos propres réalités. C'est-à-dire que là où nous en sommes actuellement, on n'a pas besoin, par exemple, on n'a pas besoin de trop de technologie. Vous voyez, c'est l'essentiel déjà. Faut que ce soit assuré. C'est-à-dire que les populations commencent à vivre bien, aient accès aux terres, puissent bénéficier de tout ce qui sort de leur sol. Parce que ce qui se passe en Afrique, par exemple, c'est que il y a des matières qui sont extraites, mais ils sont pas transformés sur place. Et rien que ça, rien que le fait de le faire sur place pourrait changer quelque chose, parce que il y aurait moins de chômage, tout ça. Et c'est une des solutions. C'est-à-dire, tu prends du phosphate, tu l'amènes en Afrique, tu l'amènes hors du pays, tu le transformes, tu reviens, tu les revends plus cher. Et quand tu l'achetais le phosphate, par exemple, sur le pays, c'est pas le pays même qui impose le prix, c'est toi qui viens acheter qui impose le prix. Et l'autre effet pervers des APE aussi, c'est ça, c'est que la majorité des entreprises qui vont prendre des produits de l'Union Européenne pour les amener en Afrique sont les mêmes qui reprennent en Afrique pour l'amener en Union Européenne. Donc c'est pas vraiment, la majorité c'est pas les Africains. Donc dans les deux sens, on est perdant. Parce que c'est pas vraiment, parce que les commerçants africains, c'est ceux qui font comme commerce, et en fait ça génère pas des millions comme Bolloré, comme les gros entreprises, c'est des petits volumes de commerce, quoi. Donc ce qui fait que bon, les APE, c'est vraiment, et comme alternative, c'est des économistes avaient proposé par exemple de mettre en place un fonds qui va permettre aux trois pays qui bénéficient actuellement de systèmes de préférence, des systèmes de préférence généralisée, d'être subventionné, donc au cas où l'Union Européenne se braque, au cas où les disent non, on signe pas les APE, donc ils vont dire que bon voilà, les échanges vont être réciproques, vous allez payer des droits de douane, mais vous aussi quand vous venez, vous allez payer des droits de douane. Donc ils ont proposé de mettre en place un fonds, donc je ne sais pas, dans les échanges, qui va permettre de subventionner ces pays. Sauf que il va falloir voir c'est pour quelle entreprise. Parce que si c'est des entreprises multinationales, on a tout à y perdre. Mais si vraiment c'est des entreprises des pays africains, on peut y gagner quelque chose. Mais l'essentiel, c'est de ne pas signer les APE parce qu'on nous l'a imposé, on n'a pas demandé aux populations, on est juste venu leur dire que bon voilà, on va signer, puis c'est tout, c'est bon pour vous. Alors que parmi les populations, il y a des économistes qui peuvent analyser, qui peuvent regarder, qui peuvent réfléchir comme les élus, parce que les élus nulle part, ils viennent juste des populations. Sauf que là, ils servent les intérêts des gens qui ont de l'emprise sur eux. C'est juste ça le problème. Et c'est pareil, Macky Sall, avant, il n'était pas pareil, mais c'est quand il a commencé à... il est venu, choisi comme... excuse-moi. Voilà. Il a été nommé comme le négociateur, en fait, le facilitateur entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Du coup, tout de suite, il a dit ceci. Alors que précédemment, le président avait dit bon, on signe pas. Donc ça pose problème. C'est essentiellement ça. Ça passe toujours par une souveraineté politique avant que d'avoir une souveraineté économique. Donc s'il n'y a pas ça, Pardon. Juste tout petit point technique. On a une caméra d'Euronews qui filme. Donc voilà. Juste si jamais vous voulez pas être filmé, mettez-vous en contre-champ. Voilà. S'il y a d'autres questions. Alors, comme on arrive vers la fin, du coup, je vais prendre les deux questions et puis je te laisserai conclure ensuite. Une question, mais. Voilà. Je veux dire, c'est qu'au niveau de la situation actuelle du continent africain, c'est. Le continent africain, pendant des siècles et des siècles, a été exploité. Et tout à l'heure, tu parles de la violence pour le changement. Et j'ai envie de te dire, j'ai envie de te parler d'action directe, de dire ouais, des choses comme ça, mais c'est dépassé. Aujourd'hui, on peut plus faire ça. Mais il peut y avoir une prise de conscience qui fait qu'on peut changer les choses. Le continent africain, je prends l'exemple du Rwanda avec les Tutsis, les Hutus. C'est genre deux tribus qui ont été inventées historiquement. Mais quand je dis inventées, c'est vraiment inventées, qui ont été séparées. C'est les mêmes coutumes, c'est les mêmes. Voilà, c'est par les Allemands. Tu parles de la France qui a fait un grand bal à l'Afrique, mais il n'y a pas que les Français. Et là, je crache sur les Allemands comme ça parce que c'est méchant, mais non, je déconne. Mais aujourd'hui, l'Afrique, le continent africain a un pouvoir économique parce que c'est un continent qui peut se suffire à lui-même. S'il se détache du système dans lequel on est, il peut très bien subvenir à ses propres besoins. Aux populations que le continent abrite. Et pour l'instant, le continent africain est sujet justement à l'époque au colonialisme et compagnie. Et derrière, ce qui se passe après, c'est qu'aujourd'hui, on voit des Chinois qui investissent, des entreprises françaises, des entreprises européennes, américaines et compagnie qui investissent le terrain. On a des dirigeants africains qui sont là, qui profitent du système dans lequel ils sont intégrés. Mais le jour où l'Afrique se prend en main, l'Afrique en général, hein, je prends aussi bien l'Afrique subsaharienne ou le Maghreb, là il y aura un gros changement. Et ça peut être un signe d'espoir pour nous, parce que clairement, là on est en France, on vit notre vie, il y a des choses qui vont mal. Il y a 3 millions de personnes qui vont manifester dans la rue, et on a un ancien président qui disait que 3 millions de personnes qui vont manifester, ça veut plus rien dire. Il avait pas tort parce qu'au final, on est entre nous et des cheminots qui vont protester, qui vont faire des manifestations pour essayer de protéger leurs avantages, soi-disant. C'est les mêmes qui vont voter, c'est les mêmes qui vont faire grève pour essayer de protéger les droits de tout le monde. C'est historiquement, on est un pays de tradition révolutionnaire. La France, en gros, c'est vraiment le truc. S'il y a un truc qui va pas, on va se lever, on va se dire ça va pas. Mais au fur et à mesure, ces dernières années, on regarde, on a un président socialiste, enfin un soi-disant socialiste, qui fait passer des lois, qui fait passer des choses, un programme de droite, et qui nous laisse quoi comme champ d'action, enfin comme champ de possibilités derrière pour 2017, c'est de se dire soit on vote pour ce programme-là. d'un parti socialiste qui s'est déraciné, ou alors on vote pour la droite qui veut partir très loin. Je prends l'exemple du Sénat actuellement, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc je vais en parler. Mais l'Afrique pour moi c'est l'espoir, parce que c'est le dernier continent. On aurait pu parler de l'Amérique du Sud ou des Amériques, mais au final les Amériques ça a donné les États-Unis, et l'Amérique du Sud qui est complètement sujette au système. Et en tout cas pour moi l'Afrique, le continent africain, c'est le dernier espoir pour avoir un monde différent. Et c'est pas pour rien que ça faisait partie du tiers monde, mais il y avait deux blocs à l'époque, et il y avait un tiers, c'était ces pays-là, et si on devait avoir des espoirs, c'est sur eux. Ouais, très rapidement, désolé de reprendre la parole. Juste pour rebondir, il y avait deux choses avec lesquelles j'étais pas d'accord. Tu disais que le système européen économiquement va bien. Je suis pas du tout d'accord. C'est uniquement possible parce qu'on pille l'Afrique. C'est mécaniquement le cas. On n'a pas d'électricité pas chère si on n'est pas au Niger. Ça fait des décennies que la France pille l'Afrique. Donc forcément, on est riche maintenant. Donc c'est un système qui ne peut pas être exporté en Afrique. Ce n'est pas possible. L'Afrique ne va pas prendre de l'uranium à la France. Donc ne pourra pas avoir son système. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que c'est juste pas duplicable. C'est un système, en fait, qui vit à crédit depuis des années et qui est voué à s'arrêter. Et deuxième point, tout à l'heure, tu disais que ça allait être compliqué pour l'Afrique de prendre conscience ou je ne sais plus. Je suis vraiment pas d'accord, et on a un très bon exemple, c'est Madagascar. Il y a eu tout simplement une révolution à Madagascar suite à un de ces accords complètement injustes où Madagascar en fait donnait la moitié des terres de l'île à Daewoo, une entreprise coréenne, et il y a eu un coup d'état, c'est-à-dire que les malgaches ont renversé leur gouvernement à ce titre-là. Donc je pense qu'il y a vraiment déjà les bases en Afrique pour ces renversements-là. Pas exactement la même histoire qu'en Europe, mais il y a déjà des traces, et moi je suis très confiant. Évidemment pas à court terme, mais quand Madagascar a fait un coup d'état suite à un accord économique, il y a bien une réussite et une mobilisation populaire. Donc, voilà. Juste, je pose une question à tout le monde, parce qu'en fait il y a deux autres personnes qui souhaiteraient poser des questions et intervenir un petit peu. Est-ce qu'on vous voulez bien continuer encore 10 minutes ou vous allez commencer là? D'accord. Donc bah du coup désolé pour ceux qui voulaient poser une question, mais comment? Donc 5 minutes, donc du coup toute petite question, et puis non c'est bon? Bon, donc je te laisse conclure du coup. En tout cas, merci de nous avoir permis de nous exprimer sur ce sujet en France, parce que on se demandait toujours qu'est-ce qu'on pourrait faire étant ici. Donc on vous remercie pour ça. On a pensé à un moment aller au niveau de Strasbourg, l'Union européenne, pour faire les manifestations, tout ça, mais c'était un peu difficile à organiser, n'étant pas nombreux ici. Et les APE, c'est pas bon pour l'Afrique, c'est aussi simple que ça. D'autres politiques proposent de déchirer et nous-mêmes quelque chose à l'Europe, et après bon voilà, pour voir ce qu'ils vont penser de ce que nous on va leur proposer, mais pas venir dans un sens proposer des accords, allez tout le monde va le signer, sinon on va faire ça, et sinon bon ce qu'on pourrait proposer ici au niveau de l'Afrique, c'est que qu'ils s'impliquent beaucoup plus dans la politique que mène leur État ici, l'Union européenne, au niveau de l'Afrique. Quoi. Je ne sais pas par quel moyen, par contre, ils peuvent faire pression ou quoi que ce soit. Mais par exemple, si le TAFTA, si ceux qui luttent contre le TAFTA se tournaient un peu pour penser aussi que la même chose est en train d'être imposée par l'Union européenne en Afrique, ce serait bien. Mais si juste ils se battent pour que bon le TAFTA c'est bon, on le met de côté, et après ils regardent leurs autorités sont en train d'imposer un système en Afrique, et que bon ils bougent pas parce que bon voilà, c'est les politiques, hein. C'est pas vraiment solidaire, on va dire humainement, et ça c'est vraiment ce que je voulais dire pour conclure, quoi. En tout cas, merci d'avoir suivi. Et c'est vraiment très gentil. Merci. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui Debout Éducation Populaire. On reprend demain de 14h à 18h. Et la journée thématique de demain, c'est sur les violences faites aux femmes. Donc merci beaucoup à toutes et à tous. Et je rappelle, si certaines personnes souhaitent faire des interventions, qu'elles viennent nous voir. Merci.